Ce soir, je ne dors pas comme la toute, toute première fois que tu es venu contre moi, où j'avais peur de toi. Ce soir, je ne dors pas comme la toute, toute première fois que tu dormis dans mes bras, je prononçais ton nom tout bas. Quand j'étais enfant, mon prince charmant était si différent de toi. Quand j'étais enfant, mon prince charmant était bien autrement. Pourquoi? Ce soir, je ne dors pas, c'est la toute, toute première fois que j'étais si loin de moi, et le vide n'en finit pas. J'étais enfant, mon prince charmant était si différent de toi. Quand j'étais enfant, mon prince charmant était bien autrement. Pourquoi? Ce soir, je dors. C'est la toute, toute première fois où je comprends que c'est toi, ce garçon que je n'attendais pas. Đêm nay lòng bâng khuâng, lần đầu đã thấy tim rung động. Người tình từ đâu đã đến đây, lòng ta bỗng dưng thấy ấm nồng. Đêm nay ngủ không yên, người tình bỗng đến trong êm đềm. Tuyệt vời tay trong tay đang say, ta gọi tên thiết tha người ơi hỡi người. Khi tình yêu đến đây, ta chợt như khói bay, mẹ đi về xa ngút khơi. Người ơi, khi tình yêu vút bay, ta còn chi hỡi anh, cứ sao tình ta dở dang anh hỡi. Đêm nay buồn mênh mang, lần đầu nước mắt rơi âm thầm. Người tình ơi xa xăm có hay, em vẫn luôn ngày đêm với nỗi buồn. Chợt như khói bay, mãi đi về xa. anh biết em còn chi hỡi người.